J'ai plus envie de regarder où je mets les pieds à l'heure actuelle. Je marche seul comme Goldman, je traverse des champs, des dunes, des ruelles. Le dos courbé sous le poids de ma peine comme si j'étais en deuil. J'arpente les chemins à la tête haute à l'archère d'une terre d'accueil. Donc je continue mon parcours, j'étais parti au pas de course. Mais j'ai fini sur les coudes, essoufflé, à traîner ma carcasse pour atteindre l'objectif. Je lâche pas, tu peux demander à Jim Steele. Souvent je marche seul, histoire de me vider la tête. Faire le tour ou faire un peu le tri. Bref, j'avance, des fois même sans savoir où je vais. Mais l'envie est toujours plus fort, c'est pour ça que je boule. De toute façon je marche avec ou sans souci. Je profite au max avant finir sous terre. La vie est courte donc prends le temps de marcher avant de courir. Car demain ou même ce soir, tu sais pas ce qui se passera. Balta, nuit noire, trottoir humide, le vent me cajole. Je marche seul, mal au bide, sans parole. T'entends d'évacuer le souffle, oui, dans l'alcool. La bouteille se finit mais j'ai un pochon de weed dans la grolle. Restant derrière une porte, devenant intenable. Ce soir mes pieds me portent, tant bien que mal. J'écume les rues depuis une paix, sans que rien ne se passe. Mais soudain je croise LP, grand bien me fasse. Juste mes baskets, quand j'apporte ma ville. Essoufflé d'intérieur car on peut dire que la vie m'épuise. Et puisque marcher c'est le thème, je vais pas m'amuser à courir. Derrière la prod car à pêcher le fer. Laissez-moi faire un footing à l'occasion, à pied nu normal. Mon idole c'est Yannick Noah. Attends. Je remets mes scratchs, prends une clope, je l'allume, je la fume et je marche. Et je marche et je marche et je marche. Et je traîne et je traîne et je traîne. Et je traîne ma peine comme un rat mort. Et je traîne ma pelle comme un croque mort. Et je marche, et je marche, et je marche. Et je traîne, et je traîne, et je traîne. Et j'entraîne mes rimes en les rappant. Et je traîne le rap dans un drap blanc. Et je marche, et je marche, et je marche. Et je traîne, et je traîne, et je traîne. Et je traîne ma peine comme un rat mort. Et je traîne ma pelle comme un croque mort. Et je marche, et je marche, et je marche. Et je traîne, et je traîne, et je traîne. Et j'entraîne mes rimes en les rappant. Et je traîne le rap dans un drap blanc.